entrailles perdues, au fond d'une amertume tendue. Le sang fige, se glace et s'enlise. Ardeur, perceur, le canal s'est tremblé sans lasse. Lasse des particules, le sang s'est fini de l'angoisse. Te plonge en vain comme euphorique, un conflit platonique. Un vie de nom déterminé, des ventricules qui ne t'ont pas demandé ton avis, mais n'en font qu'à leur tête. Blême. Se mange, le sang coule au pied d'une Vénus qui n'en a pas regard. Vite, vite, tu n'en feras rien. Chasse aux intrépides qui se morfondent de lui au fond du clash intellectuel et moral. C'est ce qui te rend si vivide. Le plein de rêves physiques, le grand qui forme un grand rien. Se laisser aider le feu de nos yeux. Des mots se marrent, des montagnes nous laissera plonger. L'âge est sage, une plage, un marécage. Tu es resté stoïque à la seule vue de ton éclat. Perdisse, remontez le temps, stop. Courant séculaire, tu tournes, tu en deviens infini. Indéfini. Celle qui ne te contrôle pas, celle qui te fait perdre tout ton souffle, toute envie. Nihilisme, blasphème, nous sommes.